by my love or down by my heart. Sometimes it's better to let things fall apart. Sometimes it's better to walk away. Sur le toit, je fume avec la relève. A chaque fois que je tombe, y'en a 10 qui se relèvent. Maman pleure et que le cash comme remède. 45 jours et j'essaie de m'en remettre. Pas de rancune que des objectifs. Eux ils vivent pour les objectifs. Y'a mon cœur dans le projectile par balle, car la daronne était protectrice. Et des règles, j'en ai plein la main. Des 500 et des Benjamins. Eux leur vie c'est la paramount. Moi je pourrais les rafaler par amour. On va poser comme Adebayo. Fous le plein comme dans Jigoya. Pose le poignet pour la caution. Mets plus de purple dans la potion. Ils t'ont laissé à terre car il y avait des trous quand ils ont fait les comptes. Ils l'ont fait un jour férié. Tu crois que les shooters ils ont fait le pont. Et ces bâtards ont visé les auréoles. Et le cœur il est froid comme à Montréal. Rien que ça fume et le vécu est trop réel. Trop de pétards ça t'allume au pluriel. Déterminé c'est pas la folie. On est des agamés au koi. C'est Dieu donné où y'a pas d'oï. J'ai vécu les montagnes, j'ai pas peur des collines. T'as beaucoup à dire quand c'est toi qui paie. Dans la cabine j'pense à mon père qui m'amenait voir la fouine en concert. Légendaire j'suis comme Jackson. Les mauvais esprits me klaxonnent. Ça veut m'allumer comme Malcolm. Et sur le trône j'vais sans mal comme Pablo. C'est pour de vrai c'est pas un shadow. Et dans mon sac toujours un clabou. Mon cousin est mort je me tatoue. Les bonnes volontés ne font pas tout. Et les bonnes volontés ne font pas tout. Et le cœur il est vide comme une cartouche. Et le 9mm me suit partout. Et depuis 2012 je les prends par 12. On a dû porter croix par croix. Y'a ma tête sur le 4x3. Les péchés je les prends 3 par 3. Et j'ai confiance qu'en moi plus moi. J'étais la fouine c'était un rêve. Attends je vérifie si je dors. Y'a vérifie tous les chats. Streaming tous les soirs avant que je dorme. Moi j'ai atterri sur un globe. Parmi les animaux, parmi les hommes. J'suis beaucoup trop loin pour un Koundé. Il me faut un ballon d'or. Le sac à dos m'empêchait de faire ma musique correctement. Je suis à l'hôtel et la victoire est venue me voir sans ses vêtements. Nos albums sont des testaments. J'ai rêvé que tu niquais tout cette année. Le pétard a vu les roses fanées. Et le noir il est mat et le terre il est jaune. Capitale du crime Abidjan. C'est dans la tête on vise pas les jambes. Je vois qu'une prod mais je vois deux légendes. Let's go.